Mais ça marche ? Merci Claire. Please sit with us. Allez, on y va. Radiotopia, Nouvelle du Monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce dernier plateau radio. Nous avons souhaité, en conclusion de Radiotopia, revenir sur des thèmes qui ont été en filigrane tout au long de la semaine. Son, fiction, architecture. Nous avons le plaisir de partager ce plateau avec Gilles Delalex, qui avec Yves Moreau et Georgi Stanichev est un des commissaires architectes du pavillon qui nous accueille. Et je me réjouis aussi pour cette conclusion de partager ce moment avec Nicolas Tixier, avec qui nous avons organisé cette semaine. Pour conclure, nous voulions aussi tenter un format légèrement différent. Nous avons imaginé ce plateau plus ouvert. Nous nous sommes déplacés alors dans une salle latérale du pavillon en quittant la salle centrale du bowl pour retrouver une grande table ronde autour de laquelle nous sommes assis avec des auditeurs et des auditrices qui sont invités à participer et à réagir aux discussions et aux extraits sonores que nous allons passer. Pour introduire ce plateau, j'aimerais revenir sur le rôle des médias de la transmission sonore et la radio. Plusieurs grands théoriciens de la radio, de Adorno à Arnheim, ont insisté sur la nature sans fil et intangible du médium technique qui, couplé avec son caractère ubiquitaire, a fini par effacer dans l'imaginaire commun l'architecture et les objets d'un réseau qui pourtant existe. Une wireless avant-garde, comme l'a appelé Mark Quigley. Toutefois, même la communication sans fil, supposée être aérienne et matérielle, possède en réalité une corporité objective, faite de stations et d'antennes, de territoires et de distances couvertes par des réseaux établis, des fils et des câbles, et ce pavillon en est, me semble-t-il, un témoignage parfait. Cette tension entre la matérialité de l'architecture et du réseau et le caractère éphémère du sonore, avec son pouvoir évocateur, on a parlé aussi d'une dimension onirique pendant cette semaine du son. Donc, dans cette tension entre situation très réelle et imaginaire, cette tension est au cœur du projet de Radiotopia. Nicolas, je te laisse continuer cette introduction. Oui, alors comment sonne littéralement le rapport entre trois mots qu'on est plusieurs à aimer manipuler, mais dont les rapports ne sont pas évidents ? Le son, la fiction et l'architecture. Et c'est autour des liens que l'on peut faire différemment les uns les autres sur ces trois termes que nous allons discuter. Pour en discuter, le plus simple, c'est de partir d'un exemple. Et un exemple passionnant nous est donné par l'agence d'architecture TVK, qui depuis plusieurs années travaille sur la dimension narrative des projets et plus au-delà de la dimension fictionnelle. Armelle Lemoelic, vous êtes avec nous aujourd'hui, merci. Vous êtes architecte, vous travaillez chez TVK et vous vous occupez tout particulièrement de ces questions-là. Avant, vous avez fait une thèse qui vous a amené entre Grenoble, le Japon et Paris. Et vous avez, le TVK, ses dirigeants et tout le collectif qui travaille avec eux, ont proposé un ouvrage en 2020 qui s'appelle « La Terre est une architecture » et qui vient dire peut-être une partie des nouveaux enjeux de l'architecture pour demain. Et ce qui a retenu notre attention, c'est le dernier chapitre de cet ouvrage, puisqu'il n'est pas écrit sous la forme d'un essai, mais sous la forme d'une fiction, au titre déjà fictionnel, Polder ou l'attachement du monde. Alors peut-être on ne pourra pas écouter la nouvelle entièrement, mais vous allez pouvoir nous en lire des extraits et nous en dire quelques mots. Bonjour à tous. Je vous propose de d'abord lire l'extrait choisi, et puis après je pourrais vous en dire deux petits mots, et notamment le lien avec, avec Venise. À la sortie du détroit de Gibraltar, là où la Méditerranée s'ouvre sur le grand océan, les humains ont construit au flanc des côtes marocaines le polder le plus grand du monde. C'est une série de vastes plateformes, de remblais structurels et d'asphalte, longues de 10 km. Ce sol parfaitement horizontal s'avance vers les eaux comme pour venir épouser le plan de la mer. Port de transbordement, sa mission est de capter les flux maritimes qui franchissent le détroit. Ces lignes qui l'ont fait naître et le long desquelles il n'est qu'une halte. Un été, sous une chaleur verticale, dans un long craquement de tremblements de terre, le gigantesque polder portuaire se détache du continent africain, sous l'action conjuguée de trois phénomènes imprévisibles. Depuis quelques années, la montée des eaux rendait l'utilisation de cette plateforme de plus en plus difficile. Avant le détachement, on prévoyait même de construire une digue monumentale pour protéger le port, régulièrement submergé et rongé par les eaux salines, et assurer son fonctionnement à plein régime. Cet été-là, la canicule soudaine assèche le remblai fragilisé du polder, qui se lézarde, craque, puis fissure le trait de côte, précisément le long de la voie ferrée qui le borde, telle une fermeture éclair le rattachant au continent. Épuisé par la rudesse de la vie sur cette plaque d'asphalte ardente, les travailleurs du port se révoltent. Avec leurs familles, leurs proches et leurs animaux domestiques, ils optent pour l'exil dans une sorte d'arche de Noé volontaire. Ils s'attaquent à la fissure pour l'agrandir, écartent les terres entre lesquelles les eaux s'engouffrent. Enfin émancipé de son attache continentale, le polder entrevoit la possibilité du grand large et éprouve une attraction irrépressible pour l'océan. L'étendue horizontale par excellence, l'infrastructure totale et parfaite qui fut le modèle de sa création. Il cède alors à son besoin profond d'éprouver son autonomie, de quitter son adolescence, de devenir une architecture. Sous l'effet des marées et des courants de l'Atlantique, la très longue structure parvient à se dégager. Après avoir battu plusieurs jours la côte et démoli la route restée sur le continent, elle se met en mouvement et prend le large. Elle dérive lentement sur l'océan, poussée vers le sud puis vers l'ouest par le courant des Canaries. Stabilisée par sa taille exceptionnelle, son horizontalité ne varie pas, insensible à la houle océanique. Mais ses bords subissent l'assaut incessant des vagues. Les travailleurs entreprennent alors la transformation de leur plateforme pour lui permettre de résister aux tourmentes de cet océan, qui n'est finalement pas si horizontal. Ils en relèvent les bords, sculptant une haute digue qui se courbe vers l'extérieur et descend dans l'eau en pente douce, comme une plage où les vagues roulent avant de rebondir. Une fois ce mur-plage périmétrique édifié, ils épaississent la structure pour la rendre habitable. Ils construisent de grands toits pour s'abriter du soleil et de la pluie. La matière est fournie par l'excavation du polder en son centre. Peu à peu, c'est toute sa profondeur qui se retrouve ainsi perforée, ouvrant une mer intérieure, un oasis invariablement calme. Les travailleurs y récoltent les ressources de l'océan et deviennent ainsi des pêcheurs. Ils recueillent aussi ce que la mer et les vents déposent sur la plateforme. Les bois flottés et les écorces, les lianes et les coquilles, le sable, les spores, les graines, les bidons métalliques et une variété incroyable de plastiques. Ces dépôts s'accumulent lentement, transforment et colorent l'étendue minérale de la structure. Une végétation apparaît peu à peu, sortant des fissures ou des failles et colonise toutes les aspérités du polder. Les graines récoltées sont mises en culture et attirent les oiseaux qui font escale dans leur migration. Au fil de ces transformations, les travailleurs deviennent des habitants. L'infrastructure, elle, devient une architecture. Une construction à la fois vécue et vivante. La plateforme utilitaire se transforme alors en île mouvante. Un matin, alors que le courant océanique ralentit, la partie arrière du polder se déporte. Et lorsque le courant reprend de la vigueur, l'avant pivote brusquement, éjectant l'ensemble hors du courant marin. Le mouvement s'arrête, le polder se stabilise, nouveau territoire au centre de l'Atlantique. Quelque temps plus tard, la plateforme est rejointe par un autre polder détaché. L'île s'agrandit. D'autres viennent encore s'y agglutiner. Cette croissance par addition forme une surface proliférante, fragmentaire, sans plan préétabli. Les communautés partagent leurs ressources, leurs espérances et leurs dispositifs pour habiter cette architecture née de l'infrastructure. En faire un monde en soi, un fragment du monde. Progressivement, les habitants des différents polders se connaissent et se mélangent. Certains déménagent, changent de quartier. Des enfants naissent, compensant le nombre important de disparitions des premiers mois de l'aventure. Une année s'est écoulée. Le premier polder décide alors de reprendre la route. Il se détache de nouveau, en larguant les amarres qui l'auraient lié aux autres. Il dérive ainsi lentement jusqu'à trouver le courant nord-atlantique qui, du milieu de l'océan, le conduit vers le Brésil, puis vers les Caraïbes. Rencontrant le Gulf Stream, il longe la côte américaine vers le nord avant de repartir vers l'Europe. Puis, emporté encore par le courant des Canaries, le polder regagne son point de départ au large de l'Espagne et du Maroc, bouclant ainsi son épopée atlantique. Il cherche ainsi à atteindre la Méditerranée, cette ancienne mer intérieure qui lui a donné naissance, mais dont il a toujours été tenu à distance. Il s'approche du détroit de Gibraltar, devenu presque deux fois plus long qu'au départ. Le polder est difficile à manœuvrer avec précision. Sa proue vient battre de plein fouet dans la côte américaine et s'y enchâsse à l'endroit qu'il occupait avant de prendre le large. La côte déchirée avait depuis repris vie, avec une nouvelle plage au pied d'une falaise envahie de végétation et d'oiseaux. Le train ne passe plus au sommet de cette falaise. Une distance de sécurité a été installée. La collision fait pivoter violemment l'arrière du polder qui, dans un craquement sourd, vient s'encastrer sur la pointe la plus au sud de la côte espagnole, la presqu'île de Las Palomas. Ancré dans les deux continents, le polder obstrue désormais le détroit de Gibraltar. Merci, merci beaucoup. L'histoire continue un peu, hein, mais... Elle continue un peu. Et là, on est typiquement dans une histoire de science-fiction, d'anticipation, avec quelques figures classiques. La figure d'un nouveau monde, d'abord de la construction d'un monde sur les ruines de l'ancien, quelque part, puis d'un nouveau monde, mais nouveau monde qui va se retrouver à répéter, malgré lui, des choses de l'ancien. Bah, comment, voilà, peut-être nous dire un peu quel contexte, dans quel contexte une agence d'architecture comme la vôtre vous êtes amenée à tenter l'univers de la fiction. Je pense que l'agence travaille depuis longtemps cette question de la fiction, d'abord comme un univers, comme un lieu de référence, c'est-à-dire de comment le cinéma, tout ce qui est de la fiction aide à penser le monde et l'architecture. Puis après, il y a eu cette question de comment la fiction peut aider en termes de méthodologie, de travail. Et là, l'agence a travaillé sur la notion, par exemple, de la scénarisation. Et après, il y avait cette idée à aller jusqu'à fabriquer de la fiction. Et je pense que c'est aussi pour fabriquer un lieu de rencontre avec d'autres disciplines, c'est-à-dire avec cette question qu'on se pose tous désormais, c'est-à-dire... comment on raconte ou en tout cas comment on représente le monde dans lequel on vit et dans lequel on a désormais une vision de la Terre qui a profondément changé. Et je pense que c'était cette volonté de trouver une autre manière de raconter cela à travers cette fiction et avec cette fiction qui a pour personnage des phénomènes terrestres, c'est-à-dire c'est les humains participent de cette fiction, mais les vrais personnages sont le polder, et donc voilà, comment on fabrique à partir de ça, à partir de nouveaux personnages. Alors, asseyez-vous, je ne sais pas s'il reste encore des places, on a des nouveaux invités qui arrivent. Alors d'abord, c'est redire que c'est un plateau ouvert, donc surtout, on peut faire tourner le micro à qui le veut, si vous avez envie d'intervenir. Carlotta, tu veux enchaîner ou je continue avec oui. Alors, nous avons aussi interrogé à l'avance. On a fait toute une série d'entretiens qui reviennent, des extraits. Donc, on rebondit sur de la matière déjà préparée. Et Gilles était déjà parmi les invités de cet entretien fait. Mais nous avons interrogé donc trois agences, l'agence de Brutter, List et Moto. Et j'ai tiré trois courts extraits de Ido Avisar, Yves Moreau et Stéphanie Bru sur cette question spécifique de la fiction dans la pratique de ces agences. Les trois premiers. Où il y a aujourd'hui une sorte de chape de plomb du réel, comme ça, que je trouve très dur. Et presque l'idée que le projet, c'est quelque chose qui appartient au modernisme, une manière d'imaginer un avenir meilleur, or avenir meilleur il n'y en a pas, et donc il faut arrêter avec tout ça, et quelque part on doit être un peu condamné à la réalité, à la vie réelle qu'on mène tous les jours. Et donc je crois que pour nous c'est hyper important de, Stéphanie appelait ça optimisme, mais de continuer à croire dans la force transformatrice du projet, d'une certaine manière. Pas évidemment dans le même, à la même manière que dans les années 60 ou 70, hein, on n'y croit pas, et tant mieux, mais que malgré tout, le projet doit s'abstraire de la réalité à un certain point. Et s'abstraire de la réalité, c'est pas nécessairement on se raconte une réalité parallèle qui n'a rien à voir avec le réel, mais c'est en tout simplement établissant une histoire ou une narration alternative, des fois en exagérant aussi un certain nombre de traits de caractère de la réalité, pour tout d'un coup être capable de faire force d'inventivité du projet, qu'il soit architectural, urbain ou autre chose. Donc c'est un peu notre manière de s'y prendre, on va dire, par rapport à ça. Oui, cette fabrication de l'imaginaire, elle est super importante. C'est un échappatoire, effectivement, hein. C'est d'être des fois un petit peu hors du temps, hors du moment, un petit peu anachronique finalement dans ce moment où on a besoin de produire pour demain, tout de suite, il faut que tout soit nickel, etc. Et finalement de recréer ces univers un petit peu limite parallèles. Mm-hmm. Pour nous, c'est des espaces de liberté, on peut se laisser un petit peu aller, on s'abandonne un petit peu. Et ouais, un peu. Non mais. Comme quand tu es sur l'autoroute et que tu roules à 130 à l'heure, et tu vois les poteaux lumineux, les stations-service passer, etc. Et tu es un peu dans un état de transe parce que tu es à un moment d'absence. Et en fait, ces petits moments-là, ils sont intéressants. Mm-hmm. Et en fait, dans la fabrication des projets, c'est grâce à cette partie narrative qu'on arrive à finalement chercher un ailleurs, finalement. Le monde utopique, mais c'est un monde ailleurs, ça peut être avant, après, un petit, un grand, donc on peut se donner plein de moments de liberté, en fait. Non, mais après, c'est vrai que la fiction, elle est quand même un peu dans l'être de l'architecte. Mm-hmm. Quand tu regardes un concours d'architecte, c'est plein d'histoires, dès le départ, le concours, c'est plein d'histoires. Mm-hmm. Je pense que celui qui sépare... C'est pas raconter une histoire à travers le concours, bon, je sais pas quel concours ça peut rendre, mais déjà à la base, c'est dans notre être. Après, par exemple, moi j'ai grandi en Ville Nouvelle, quoi, c'est toujours ce que je dis, mais quand tu lis comment ça s'est fait, c'est Ville Nouvelle, c'est quand même l'histoire de la fiction. Non, mais voilà, c'est ça qui est super beau avec tout cet imaginaire qui n'existait pas, qu'on dit toujours Évry, rêve perdu d'une ville idéale, mais c'est aussi cette fiction qu'ils ont pu se donner. Et pour peut-être rebondir pour moi sur qu'est-ce qu'on en fait maintenant, sachant que Je pense que dans les projets, c'est un peu chacun ses recettes, mais ça fait, c'est un outil pour nous de travail. Non, pour l'enseignement, en fait, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu dis, nous, ce qu'on aime bien quand on fait travailler les étudiants, c'est quand même la fiction. À un moment, c'est juste le moyen aussi pour que des étudiants arrivent à défendre une idée qui est peut-être pas justement cette réalité, même en étudiant certains bâtiments, etc. Finalement, nous, on s'en moque un peu de l'histoire, la grande histoire. Mais c'est toujours comment pousser les étudiants à, comme tu dis, à regarder ailleurs, Ido, et à argumenter, à défendre. Parce que notre métier, c'est quand même aussi ça, comment on arrive à défendre nos histoires, nos projets, nos envies à travers peut-être cet outil fiction et aussi les arguments, nos moyens. Alors, cette fiction, on a Gilles Delalex, donc un des trois commissaires du projet. Et le mot fiction est présent à différents moments dans la réflexion sur le pavillon, peut-être même dans le texte d'ouverture. En attendant, c'est un mot qui vous travaille, tous les trois. Et la question qu'on peut se poser avec l'objet du Ball Theater, enfin, qui a aussi une petite dimension de rétro-futur, où il vient mobiliser les références du futur, mais du futur un petit peu vu d'hier. En même temps, il nous offre un espace totalement inédit, en ce sens-là, il ne s'inscrit pas dans le quotidien. Mais alors, du coup, les questions qu'on se pose, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi ? Pourquoi est-il arrivé là ? Pourquoi est-il là ? Pourquoi a-t-il cette forme ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Donc, en fait, il est une énigme, quelque part, dans laquelle on projette des, à la fois des usages passés. On ne sait pas si les ruines d'un monde qui l'a utilisé ou s'il est futur d'activités à venir, quoi. Oui, il est entre les deux. On s'était dit qu'il fallait que la forme soit aussi déterminée, que son esthétique et son usage soient flous. Il fallait qu'il y ait... Et chaque fois qu'on se disait « oui, on ne sait pas à quoi ça ressemble à ça, à ça, à ça, enfin, à une boule à facettes, un globe terrestre, un crâne dans lequel on entend des sons. » À chaque fois, plus les images se multipliaient et que l'objet devenait flou, plus ça nous intéressait. C'était un petit peu un moteur de réflexion. Et à la fin, moi je suis d'accord avec Stéphanie quand elle dit que dans le fond, toute la fiction, tout ce qu'on peut reconnaître, qu'on peut projeter soi-même, c'était ce que nous-mêmes on se racontait. La fiction, c'est le moteur. Comment nous, on s'imagine quelque chose qui va nous échapper. Il y a d'une part, il y a une première part, c'est comment nous-mêmes on se l'approprie, on y croit. Parce qu'on croit aux histoires davantage qu'à la vérité. Enfin, on croit. Les fictions sont beaucoup plus convaincantes. Et on se dit, on le raconte aux autres et on se le raconte à soi-même. Et on se dit, tiens, qui c'est le public à qui on va en parler ? À vous, aujourd'hui ? Ça, c'est le premier aspect de la fiction. Et puis l'autre, c'est le vide, quoi, qui laisse, tu sais, ce flou-là, parce que c'est une sphère vide, et tu ne sais pas qu'est-ce qui va s'y passer. Et ça, c'est un autre moteur qui donne plus... C'est moins de la vérité, c'est plus de la... C'est plus l'appel, le vide là, qui appelle à imaginer qu'est-ce qui va aller dedans. Et on voit très bien quand on... Par exemple, quand on... rencontre des auteurs, la seule chose dont on parle, c'est de ça. On parle que de ça. On avait rencontré au cours de la conception, on avait rencontré Philippe Ken. De quoi on avait parlé ? On avait parlé de la communauté qui habitait là-dedans, et des animaux, et des plantes, et d'où ils venaient, pourquoi, comment. Enfin, toutes ces questions que tu soulèves, c'est exactement les questions. On en a parlé 2 heures. Et après, on a fait le catalogue de revues qu'on a fait, qui s'appelle Lorem Ipsum. Et on a discuté avec Hugo Bienvenu, qui l'a entièrement dessiné. Et la seule chose dont on parle, évidemment, c'est comment il est arrivé là, pourquoi il est rentré, d'où il vient, quoi. C'est toute son histoire. Donc en fait, c'est vrai que c'est le moteur de discussion avec tout le monde. Et tout le reste, bon, c'est un petit peu notre job, quoi, de choisir du papier aluminium ou de l'acier galvanisé ou rouillé, quoi, peu importe. Quelque part, peu importe. Mais du coup, c'est un peu l'inverse de cette vieille tradition de faire des globes dans les expos universelles. On pense à celui d'Élysée Reclus, par exemple, vous savez, la planète qu'il représente, on peut tourner autour, la voir, etc. Là, on est dedans. Donc, c'est moins le monde que, quelque part, une forme de théâtre. On en parlait avec un autre invité avant. Un théâtre dans lequel se joue peut-être la comédie du monde, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui met en résonance scénographique. Et donc, en cela, c'est d'autres fictions qui se dessinent. C'est la comédie, c'est le dialogue, c'est la création possible, en fait, mais qui n'est pas forcément orientée vers le devenir de l'architecture, le devenir du monde, etc., mais plutôt ouvert à de nouvelles histoires, quoi. Moi, je pense que c'est parce qu'on associe trop simplement le devenir et le futur. Enfin, les deux, c'est pas la même. Je sais pas du tout dire la même chose. Le devenir, c'est notre propre transformation qui peut être un retour en arrière. Il y a pas. Pour moi, ça parle d'intériorité. Ça parle. Il est creux, et c'est pour ça qu'il résonne. C'est pour ça que ce sont des voix. C'est pour ça qu'on est là à parler de son. C'est creux. C'est vide. C'est un truc. C'est notre espace cérébral, quoi. C'est surtout ça. C'est ce théâtre. Et nous, par rapport au thème de la Biennale Laboratoire du Futur, qui présuppose que ce qui vient après est quelque part devant nous, quoi, on s'est dit, mais non, notre recherche dans un monde qui a plus de futur, voilà, on parlait de Vienne. Vienne, capitale fin de siècle. Fin de siècle, capitale fin de siècle, ben, le devenir, il était intérieur. Il était, Klimt, on voit les femmes enceintes. Et, enfin, c'était un monde, on se projetait, on allait chercher l'ailleurs. Pas dans le futur, il n'y en avait plus, mais quelque part à l'intérieur de nous, dans les origines, parce qu'on se réinvente des origines, on se réinvente des histoires. Donc pour nous, on se disait, oui, on est en panne de futur, mais on n'est pas en panne d'ailleurs, on est capable d'inventer des mondes différents. Se réinventer des origines, ça rejoint quand même pas mal le catalogue qui a été fait. Qui a été fait, qui raconte l'histoire. Et qui raconte l'histoire de théâtre. Ça s'appelle les préquels. Hein. C'est quand c'est dans les films là, de science-fiction, ça se fait beaucoup. Hein. On écrit l'histoire. Le film qui suit raconte l'histoire d'avant. Voilà. Ouais. C'est une sorte d'inversion de la narration. Une sorte de. Oui, de flou qu'on aime bien, parce que effectivement, ça c'est des images de futur, mais de futur du passé, et c'est donc une recherche d'un ailleurs qui sème le trouble, parce qu'on se dit où elle est, quoi. Mais je pense qu'elle aujourd'hui, à notre époque, elle est à l'intérieur de nous, quoi. Mais moi, j'aime à penser que cet ailleurs, vous allez le chercher autant hier que vous le projetez pour demain. C'est presque une double. Enfin, pour moi, je vois ça comme le même geste, c'est-à-dire un geste de recherche, de sélection de quelque chose qui date d'hier, et un geste de recherche et d'orientation de quelque chose qui arrive, en fait. Oui, oui. Qui advient. Ouais. Ouais. Alors, le plateau est ouvert, donc vous pouvez. On a que trois microphones, mais quiconque a envie de prendre la parole, fait un signe, bouge, même derrière nous ou en face de nous, n'hésitez pas à prendre la parole. On enchaîne peut-être. Donc dans cette démarche qui a été illustrée par les Noëls du Monde, nous avons essayé aussi de l'appliquer à un certain nombre d'architectes dont nous aimions, estimions particulièrement le travail. Et donc nous avons passé cette commande très ouverte. On a invité des architectes à nous envoyer des sons qui pouvait aller dans toutes sortes de directions, hein, comme les Noëls du Monde, ça pouvait raconter du demain, de l'ailleurs, du futur, de terre inventée, de fiction, etc. Et donc, pour poursuivre sur cette première exploration de la question de la fiction en architecture, et je trouve très en lien avec la fiction que Armel nous a lue de TVK, je démarrerai par la fiction qui nous a envoyé Luca Merlini, qui est un architecte suisse installé à Lausanne, mais aussi pratiquant beaucoup en France en tant que pédagogue. Et Luca Merlini, c'est un architecte, un professionnel qui a travaillé beaucoup pour des gares, notamment la gare de Lausanne. Et pourtant, pendant tout au long de sa carrière, enfin pourtant, on voit bien que ce n'est pas une contradiction forcément, tout au long de sa carrière, il s'est nourri d'un imaginaire très vif, fait de dessins et de narrations, qu'il combine avec cette association qui a produit plusieurs ouvrages, et aussi au sein d'un laboratoire où il fait de la recherche à partir de ses moyens. Donc du laboratoire LIAT, aussi associé à ce projet. Je voulais rappeler aussi que Luca Merlini, il était associé à Tchoumi pour le projet de la Villette et de Manhattan Transcript. Parfois on l'oublie, figure secondaire, mais les dessins qui ont été presque plus médiatisés que le projet même sortent de cette... Voilà. Et donc, on va écouter ce qu'il nous a envoyé à cette occasion. Je ne suis jamais allé à est un faux carnet de voyage pour raconter l'ailleurs qui est souvent ici et vice-versa. Le dehors qui est un dedans et vice-versa. Le moi qui est un autre et vice-versa. Où ne suis-je donc jamais allé? Lorsque je ne suis pas allé à Venise, on m'a dit qu'elle est une ville qui se noie. Sous quoi se noie-t-elle? Sous l'eau? Sous la masse des touristes, sous la nostalgie, sous les brumes matinales, on m'a dit de Venise que la mort y est littéraire, que les lions n'y rugissent plus et que les fêtes y sont masquées. Soi-disant littéraire et dompté, Venise serait donc un masque. Mais le masque que l'on croit être celui du passé est le visage du devenir de toutes ces villes où le trop s'est imposé comme règle, quel que soit, pour chacune d'entre elles, le contenu de ce trop. Trop d'habitants, trop de montée des eaux, trop de chaleur, trop de pollution, trop de guerre, trop d'intolérance, trop de trop. Lorsque je ne suis pas allé à Venise, aurais-je marché dans l'avenir des villes et dans l'inénarrable beauté de leur disparition en marche? J'avais lu dans des livres qu'à Los Angeles, il y a des maisons extraordinaires, construites par des maîtres de l'ombre et du déséquilibre parfait. Mais, lorsque je ne suis pas allé à L.A., j'ai vu que l'architecture est sans importance. L.A. est surtout et uniquement une ville sans fin. Même si chacun y rêve de trouver sa fin au bout d'une route privée, dans une maison extraordinaire construite par un maître de l'ombre et du déséquilibre parfait. Même si chacun se rêve en ange du Pacifique, comme si les anges de L.A. n'étaient pas là principalement pour être leurs propres gardiens. Aux dernières nouvelles, L.A. reste une ville où rien ne finit jamais, y compris les kilomètres, les rêves, le Pacifique, les collines et les ombres. Je ne suis jamais allé ni à Mexico, ni à Mumbai, ni à Sao Paulo, ni à Téhéran, ni à Ulaanbaatar, ni dans d'autres villes. J'ai parfois fait le tour de ma chambre, de mon cerveau ou de mon écran d'ordinateur, en pensant faire le tour du monde en moins de 80 secondes. À Ulaanbaatar, il fait si froid que le langage des mots disparaît le temps de l'hiver. Lorsqu'ils sont prononcés, les mots sortent de la bouche sous forme de glaçons. Il faut attendre le dégel printanier. Là, ils explosent d'un seul coup en une cacophonie retardée de guerre et d'amour. À Téhéran, il peut faire si sombre qu'on se demande s'il y a encore place pour l'ombre de la liberté, même si la révolte y gronde parfois et même si les femmes y sont si lumineuses de courage. Mexico, on peut l'aimer ou la fuir, prendre la route de Tijuana vers le nord et là, se fracasser sur un mur qui n'est pas encore la 101, la route qui mène à la ville où rien ne finit jamais. Je ne sais pas pourquoi je ne suis jamais allé à Paris. C'est une ville, dit-on, où tout devient romantique par une grâce inexpliquée. Dormir sous les ponts, se glisser entre les poubelles débordantes et les policiers Robocop, faire la queue partout, prendre dynamique le métro, vivre dans des appartements trop petits et sans lumière, payer le café du Flore au prix d'un billet d'avion pour Mexico ou Ulaanbaatar. Pourtant, lorsque je ne suis pas allé à Paris, je fus pris par un sentiment qui me fit détester le jean-gabinisme de pacotille qui rend Paris si romantique. J'eus le sentiment d'entrer dans un rhizome. Citons alors ceux qui firent du rhizome autre chose qu'une plante souterraine, mais une machine de guerre. Citons Deleuze et Guattari qui, du haut de leurs 1000 plateaux, nous avertissent. On est devenu soi-même imperceptible et clandestin dans un voyage immobile. Plus rien ne peut se passer, ni s'être passé. Plus personne ne peut rien pour moi ni contre moi. Mes territoires sont hors de prise, et pas parce qu'ils sont imaginaires, au contraire, parce que je suis en train de les tracer. Par souci d'exhaustivité, mentionnons aussi que lorsque je ne suis pas allé à Paris, j'ai trouvé mon autre moi. Lorsque je ne suis pas allé à la Biennale de Venise, j'ai eu l'impression un peu irrespectueuse d'entrer dans des mondes qui ne m'appartenaient pas. J'ai eu l'impression de voler à des chercheurs d'espace qui passaient par là, des mondes situés quelque part entre l'ordinaire et le rêve. J'ai fini par penser que la Biennale était un endroit d'où on ne sortait pas tout à fait indemne. Tous ceux et toutes celles qui la traversent, vous, moi, eux, ils laissent quelque chose en suspension. Comme si le temps d'une visite nous donnait une chance, celle de ne pas avoir d'alibi ni à cette heure-là ni à cet endroit. Car, à cette heure-là et à cet endroit, je ne suis jamais allé à Venise. Bien. Peut-être on enchaîne avec la deuxième fiction, un autre type de fiction, et puis qui que ce soit a envie de réagir, vous êtes plus que bienvenue. Donc le deuxième type de fiction, je dirais, parce que là on va plus vers le récit narratif. Alors c'est moi qui ai créé ces catégories, hein, personne m'a envoyé en disant ça c'est de la fiction, etc. Mais elle a été envoyée par MBL, donc Martinez Barra Lafort, une autre agence parisienne, et c'est une création, alors eux ils la définissent, c'est un récit de science-fiction, véritablement. C'est, en fait, ils ont fait cette bande-son pour l'exposition qui a été présentée à Arc en Rêve en 2022, et c'était une exposition qui portait sur l'impasse des lilas, et je vous lis qu'est-ce que c'est l'impasse des lilas dans leur conception. L'impasse des lilas est une voie sans issue sur les bords du métropole. Il existe 841 impasses des lilas en France et plusieurs milliers d'autres au nom de fleurs. Il n'y a pas de lilas, mais un amalgame uniforme de vie domestique, d'architecture et de paysages quelconques. Pour l'exposition, ces impasses deviennent un point de vue théorique pour penser, depuis ces territoires pavillonnaires, l'architecture d'aujourd'hui. On va écouter... cette composition, parce que je crois qu'on peut bien utiliser ce nom, elle a été réalisée par Julien Pérez. Donc deux exemples de deux types de propositions fictionnelles en son. Je me faisais la réflexion en écoutant là les deux derniers morceaux. Parce que je me dis, on a, en tant qu'architecte, on utilise beaucoup la fiction, j'ai l'impression, pour comprendre le monde dans lequel on vit et le monde qu'on transforme. Et je me disais, il y a peut-être ce besoin à un moment donné, c'est aussi en entendant ce que disait Stéphane Hubru, c'est aussi, à un moment, on a besoin aussi de raconter en fait, le monde dans lequel, que l'on transforme, et que c'est à ce moment-là où l'exercice de la fiction devient, j'allais dire, presque nécessaire ou vital pour les architectes. Et du coup, je me demandais vraiment ce passage-là, par quoi il était déclenché. Je pense qu'à l'agence, c'est cette idée que les représentations telles qu'on les utilise au quotidien, etc., n'étaient plus suffisantes en fait, pour raconter cette vision du monde qui avait été profondément transformée par les... c'est-à-dire par un certain nombre de penseurs contemporains. Et donc voilà, là, en écoutant notamment les deux derniers morceaux, je me disais vraiment, quel est le moment en fait, où il y a cette bascule où les architectes se disent les fictions que je mobilise ne sont plus suffisantes, il faut que moi aussi, pour mieux comprendre ce monde-là, il faut que j'en fabrique aussi moi-même. Nous, on a comme ça me fait penser. Enfin, j'ai entendu des bribes parce que ça m'a fait. J'ai pas tout écouté parce qu'il y a un moment, ça m'a fait dériver sur une idée de. Parce que aussi par rapport à ce que tu disais entre les questions entre fiction et narration, et ça m'a fait penser qu'à quand on a commencé notre agence, on faisait des vidéos. Et c'était des vidéos non narratives. Il y avait un festival. Un petit festival, ça faisait tout de temps en temps au Divan du Monde, on participait régulièrement, et c'était des vidéos non narratives. On s'était pas aperçu que c'était un point très fort de... Et pourtant, je pense que c'était fictionnel. C'était une manière de comprendre le monde, mais sans raconter l'histoire. Ça me faisait penser exactement à ça, ta réflexion, que parfois on se raconte effectivement dans le projet des histoires qui ne sont pas du tout narratives. Et on les met souvent dans une forme narrative pour les expliquer, mais ce sont des explications, c'est tout. Et je pense que l'histoire, on se la raconte à travers tout un tas de références, d'images, de mondes, de corpus qui circulent, quoi, qui quelque part sont là et qu'on ne prend pas la peine d'expliquer. Et à un moment donné, on s'est dit, maintenant il faut l'expliquer. Il y a des théories aussi qui sont non narratives. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de l'installation avec Nadine Schulz, et puis aussi le Parlement des choses. J'ai retrouvé le nom, qui était une des belles installations qu'on a trouvées, effectivement. J'avais oublié le Parlement des choses, parce que c'est un concept de la Tour, qui, à la fin de Politique de la Nature, qui est un super beau concept, qu'on adore. Et à un moment, évidemment, ça a été un des scénarios de la boule. On s'est dit, mais ça serait le Parlement des choses, donc il faudrait l'habiter avec des choses à l'intérieur, avant de l'habiter avec des sons, quoi. Mais c'était une possibilité, parce que par exemple, les boîtes, les flight cases, elles sont venues le dernier jour, quoi, je veux dire. Elles étaient là, on s'est dit, mais en fait, ça fait partie des objets, tout l'appareillage sonore, qui est sont presque des animaux pour nous, quoi. Il y a quelque chose d'un petit peu anthropomorphe, quoi, de ces choses avec des fils, enfin, on a aussi des fils à la fin, quoi. Donc je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, c'est une forme de fiction, mais ce n'est pas une histoire, il n'y a pas un début, une fin, quoi. Il n'y a pas un début, une fin, c'est un moteur. Ça rejoint cette grande autrice de science-fiction, Ursula Le Guin, qui a la théorie de la fiction panier. Vous savez, la théorie de la fiction panier, c'est un truc, moi ça m'a beaucoup plu quand j'ai lu ça. Elle a écrit ça dans les années 90. C'est l'idée qu'on met toujours en avant, plutôt dans les fictions, la science-fiction, des héros. Mais on oublie en fait les gens qui construisent le monde simplement pour que ces héros puissent exister quelque part. Et donc la fiction panier, c'est qu'on a tendance à montrer toujours les belles pommes qui sont dans le panier, mais on oublie de montrer les personnes qui ont tissé le panier et qui ont rendu possible qu'on ramasse des pommes, en fait. Donc on ne met pas l'héroïsme est toujours mis dans l'action extraordinaire, mais pas dans la fabrication du support du monde. Et voir l'architecture comme une fiction panier, c'est-à-dire qui est capable d'accueillir des histoires, mais qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'héroïsme, et je trouve une façon un peu différente, effectivement, non narrative, du moins avec une narration qui n'est pas héroïque et qui n'emprunte pas au schéma classique d'énormément d'histoires. Bah, je pense que c'est en tout cas tout à fait l'ambition qu'ont eu MBL avec leur Impasse des Lilas, qui est quand même rien que le nom, ça a une puissance de fiction incroyable. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, ça me frappe à quel point les images, elles surgissent de suite. Et voilà, on comprend bien pour eux ce que ça relevait comme nécessité, que cette histoire-là, elle existe. Et en plus, une histoire qui est globalement et qui est assez forte parce qu'elle est assez partagée, en fait. Enfin, je pense que ça, à tout le monde, l'Impasse des Lilas, ça parle, enfin, ça raconte, ça produit des images, peut-être, c'est ça qui est intéressant. Vous n'hésitez pas à vouloir prendre la parole si vous le souhaitez, bien sûr. On va continuer donc avec d'autres propositions que je pense vont dans toute autre direction. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'objets trouvés ou de choses que des architectes que nous avons sollicités. Ils ont décidé de nous ramener quelque chose, un extrait de la réalité qui pour eux avait un sens. Donc tout d'abord, Philippe Ramm, il a donné même un titre à sa pièce, « America ». Alors, il s'agit de 11 minutes et 12 secondes, bon, on coupera, mais de sons de air conditionné. Alors, Philippe Ramm, c'est un architecte suisse installé à Paris qui a travaillé beaucoup sur la condition physiologique de l'architecture et il a fait plusieurs propositions de recherche aussi sur ce qu'il appelle la météorologie. Donc, il explore l'artificialisation des environnements et des atmosphères. Donc, je lis aussi son petit mot. « Chère Carlotta, voici mon son. Je suis aux USA, en ce moment qui vit avec ce son d'air conditionné dans ma chambre, dans les salles de conférence, dans les cafés, dans la rue. Amicalement, Philippe. » Je pense que la durée, quand même, elle est intéressante. Non. On va aller jusqu'à là. C'est pas une pièce, il faut la diffuser doucement. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de la garder comme un bruit de fond. Absolument, absolument. De vivre l'expérience qu'elle représente. Voilà. On peut parler. Donc on continue notre plateau radio pendant la... Ou on peut aussi l'arrêter. Oui. On a compris le concept. Passons maintenant à la proposition de moto. Donc un autre objet trouvé de toute autre sorte qui a été envoyé par Gilles. Là aussi avec un petit mot qui accompagnait trois fragments d'une minute de match de Celtics contre Hawks à Boston. C'est du basket dans un stade de 20 000 supporters. C'est la fête. Defense! Defense! Defense! Defense! Bah, c'était Celtics contre les Hawks. Et c'est les Celtics qui ont gagné à la fin, ce qui était une bonne chose parce qu'on était à Boston, donc c'était agréable. Et c'est une fiction, en fait, ils n'ont jamais gagné, peut-être. Si. Alors oui, effectivement, je peux vous dire tout ce que, vu que c'est une fiction, je n'aurai jamais le dernier mot. Bon, c'était, en tout cas, c'était à l'époque où on cherchait des ambiances sonores auxquelles nous-mêmes, on n'est pas très sensibles, je veux dire, initialement. Donc on commence à écouter, mais dans un stade de 20 000, c'est le plus grand stade, c'est un des plus grands stades, je crois, des États-Unis. Il y a, je crois, Chicago qui est plus gros. Et un coup, c'est basket, et un coup, c'est hockey. Donc, c'est un stade qui est complètement plein de tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'on entendait 20 000 personnes, c'est gros, hein. C'est un très grand stade. On entendait les voisins à côté et on entendait les baskets. Vous entendez les baskets sur le parquet qui vont comme ça. Des gars qui sont tout petits. Et c'est un spectacle de dingue qui n'arrête jamais. Il y avait du feu, il crachait du feu au milieu. Vous voyez, et il y a l'orgue qu'on connaît. Et il y a les commentaires. Et il y a les panneaux d'affichage. Et on est dans une tourmente extatique. En fait, c'est l'ambition du Ball Theater. On était, mais c'était un théâtre, c'était clairement un théâtre. Hein. C'est un stade avec le centre, ouais. Le basket n'est pas très gros. Hein. C'est surtout les spectateurs, ouais, qu'on voit, hein, qui fabriquent le spectacle parce qu'on est assez proches les uns des autres. C'est pas un stade, ouais, de foot. Hein. Ouais. Mais c'était une expérience assez intéressante. Hein. C'est Yves qui avait cette idée-là, d'aller voir un match. Play-off. Non, c'est parce que c'est fort, parce que c'est des expériences super fortes que tout le monde va voir toutes les semaines ou plus. Ouais. Bon, voilà. Donc, du même genre, mais dans un autre univers, nous avons reçu aussi un petit extrait de Momo Yokaijima de l'atelier Bawao qui nous ramène en plein Tokyo. En fait, c'était une action où Momo est rentré dans un magasin acheter des jeux. Donc, il y avait une sorte de récit aussi à partir de la sonorité. Et donc, elle accompagnait cette action par l'environnement sonore assez typique, je crois, même si j'aurais pas dit que c'était Tokyo. Je pense que tout le monde aurait compris plus ou moins où ça pouvait se trouver. Nous passons maintenant à des portraits sonores de projets. Alors, peut-être, alors, ouais. juste avant, parce que nous avons un autre invité, et du coup, sur cette identité sonore-là qui nous est proposée sur Tokyo, on est dans une autre identité sonore, effectivement, celle de Venise, et Matteo Vianello, merci, thank you to be here. You're a PhD researcher, you work on landscape theory and political urbanism. And you know very well Venice. And the last time you organized a visit for us, and we discovered how Venice is built by a lot of materials far away from Venice. And so like that, I have now, because you, I have a totally a new vision about Venice, like another Venice. Maybe you can, with the microphone, say two or three things about Venice and the question of the fiction. And but after doing the séance d'écoute, we listen another sound by Stefania Giametta about Venice. But okay. Excuse me, I will talk in English. I still understand some words of French. I'm not able, unluckily, to answer in French. It's a pity. Well, there is a thing that my grandfather, I come from Venice. My grandfather and all my family comes from this island. And there was always an expression that my grandfather was telling me when I was a child, that this city is a city of mud and gold. And for me, those are already two words that can embrace the complexity of this island. Mud and gold, and the coexistence of those two materials that are an antithesis, no? We think about the gold as a something, as a material that is kind of detached from the dirty of the things, but still the gold here exists because of the dirt of that mud. And basically there is, to me at least, there was a kind of impression that there was something in between this dirt and this huge luxury of the gold. And this in between, for me, is the fiction. Because you have to really pay attention about how to narrate and how to place, because it's always a matter of context, it's a matter of space, the idea to place gold. And every time that I see something that is so precious, so abstract, so beyond reality here, I always think that everything stays because of the mud, because of the dirt work, of the wooden piles, because of all that is subterranean, all that is underground in this city. And what's in the middle, I mean, the task of architects, of Venetians, of we, that still continues to build and to keep this city alive, is the fiction, basically. Because we never make you see the dirt. You always see the gold. I hope to yes. have answered. Yes, the base of all situations for the past, now, and tomorrow. Yes, exactly. I mean, everything that you see. Imagine that as you walk along the streets everywhere in Venice, you are walking underneath a forest of wooden piles that were transported since centuries and placed here. So basically, Venice is linked to a huge, so to say, cycle of materials that were bringing wooden piles from the forest in the north of Italy, in the north of this region. They were brought thanks through the rivers. They were arriving here and they were placed into the mud of the lagoon. And the good thing is that actually the same wooden piles that are resting now, they are at least 800 years old, because thanks to the mud, there is no oxygen. So the wooden piles, they prevent the decomposition of the wooden piles. Mm. I have read once that underneath Rialto Bridge, for example, there are something like 20,000 wooden piles. So it's really a forest. And there was also a very old craftsmanship that was able to put the wooden piles in order to keep stable all the architecture. But still, if you walk into some Venetian buildings, you see that the floor is like a landscape. It's a topography of waves, because actually here the buildings moves, because they said to be moved at 1 centimeter per year, because also the mud is not solid earth. So the wooden piles kind of float, and it's an extremely complex system that is working since centuries now. The hidden reality looks like a fiction for us. It is, because you don't notice it. Exactly. Basically, everything is hidden, and you only see the gold, indeed. And that's the point, it's a fiction. And also, it's an utopia for me, because it's a constant struggle against the environment. Just think that here everything is artificial. Everything is placing under the wooden piles, even trees. Even here, there are wooden piles. So it's an extremely complex environment, and is fiction because it's like many people also say that it's a floating island, no? It's a floating city, and I think it's true. I mean, we live on the water. This is also something that my grandfather always told me, that we are the people that comes from the water. And this is extremely important for us. We do not belong to the land. Thank you, Matteo. Thank you. And maybe this relates... je parle en français, c'est bon? Si. No. Relates also to the idea of grasping an identity of city. And and maybe through the sound recordings, there is also this condensation without words. Again, it's not a narrative that you clearly explain all the origin, where the material is coming from, why it's producing this or that. But there is a kind of concentration of an unconscious history or genealogy of scenes and layers that combines together. And also for this practice of grasping sounds, why it could be interesting for architects, this objet trouvé, which reminds classical studies like soundscape studies, where people were just strolling around with microphone to grasp some kind of noises. Yeah, well, Venice is a repository also of sounds, of course. Where to start? For me, first of all, it's interesting because we sometimes reach some earthquakes. You know that Italy, it's very sensible to earthquakes. And here in Venice, it's like a thermometer of all the earthquakes that comes from other parts of the Mediterranean. And because those buildings actually are very in a very precarious, so to say, condition, equilibrium, we always hear the sound of these wooden elements of the city that does a very, very terrible noise, very scary noise. And for me, we perceive it quite usually, so it's common. But for me, I think the repository of something very unconscious is the sound of the bells, of the tower bells. And for me, it has been a matter of inquiry, because I usually do recordings around the city, and the bells kept their task unnoticed in the long, long time of centuries. So, for example, we have the only bell from Campanile di San Marco. You can experience it tonight. Every night at midnight, there is only one bell in the city that sing. And that was the bell that since Middle Age was the moment in which all the people had to come back home because of the curfew. You know that in the past there was this safety restriction. But still, this sound is existing here and it's present. So a lot of sounds, actually, still Venice is a repository of things. It accumulates. Also the sound for me, many sounds disappeared. For example, we were used to have a siren, like the one of the bombing siren during the war, that was notifying us of the Acqua Alta coming. Nowadays is no more existing because we have more protection, like the MOSE project, you know, this huge infrastructure that prevents us from the Acqua Alta, but there was this siren coming from all the major tower bells of the city, and for me was like a cantico, because it was something that was witnessing me the presence of the Acqua Alta, and also the sound of the Acqua Alta, which is coming which is something that exists even before the existence of Venice. For me, it was very interesting because sounds actually lasted more than buildings here, but not only here. So it's also a witness for architecture that it's something at the same time more ephemeral, but on a long time span, much more permanent. I hope to have the argument. Stefania, just one thing about the sound for to advise of Acqua Alta is interesting to notice how changed the perception of this sound in generations. Maybe you are young, so you don't remember the Second World War, but it was a very inquietant sound for the generation of your grandfather, maybe. I don't know, you should ask him that to utilize this sound for advice of Acqua Alta was really bad for that generation, and they wanted to change also for this, no? Yeah, and also it was used for, it happened, for example, during summer, when we usually don't have Acqua Alta, there was the same siren. Yes. And this was because of Porto Marghera, because the wind was, so to say, pushing all the toxic atmosphere towards the city, and we had to close all the windows, and there was this siren going on. And it was a very remarkable point of our sonic landscape. For me, that's why tower bells, the sirens, it's something that is extremely important from this space. I have to say this. And maybe from the portrait of cities and landscape, we can switch to portraits of architectural projects. So one of the recording we received is by Mio Tsuneyama, who built with Fuminori Nousaku, a house in Tokyo, again, which is a house, a very common, ordinary house from the 80s. And they did an on-site work process while living within the house. And they made the holes on the three levels of the house. This was a way to exploit, have a better exploitation of air condition, circulation of air, and acoustics also relating to the Asian tradition of having more porosity between spaces. And so they sent this recording in their own house, so that it's their own, the place where they live. And so they did holds, they were living during this renovation period, and they had a child, so there is a 2-year-old child that got peed in his pants around the holds that connects each floor. So there is a mixture of city noise and sounds. There is the Shinkansen on the background sometimes, and you can hear really this condensation of, so it was an experience, maybe long, maybe to be arranged, but to see how sound can portray this intention of making communication between spaces, and how the life within the building can make a kind of not literal portrait of a project. D'accord. Donc c'est un projet de Mio Tsuneyama donc avec Fuminori Nousaku, c'est un couple d'architectes qui vit dans un de leurs projets. Donc c'est une maison des années 80, très ordinaire, qu'ils ont décidé de travailler pendant qu'ils habitaient l'espace. Donc ils ont coupé les 3 étages, ils ont fait un grand trou pour des questions d'usage des ressources du lieu, donc faire circuler l'air, mais aussi l'acoustique du lieu. Et donc l'histoire de ce son, c'est vraiment une petite histoire de famille avec leur petit enfant de 2 ans qui fait pipi dessus, et donc tu entends les voix, les mouvements un peu de non. Et avec le fond de la ville aussi, il y a le Shinkansen, le train rapide qui passe derrière. Oh là. Donc, un portrait d'une vie dans un bâtiment, dans un projet. Je pense qu'on pourrait maintenant adresser une question à Gilles sur la question du son et comment elle est arrivée dans votre projet. Bon, un petit peu, la question du théâtre, bien sûr, elle est indissociable aussi d'une dimension sonore importante, très présente. La première idée, c'était de faire un théâtre. Et puis ensuite, on s'est dit qu'il fallait l'habiter. Donc, le son, c'était une manière de l'habiter. C'est-à-dire quand il y avait des événements et qu'il n'y en avait pas. Enfin, l'idée de la résonance, elle était forte. Donc, il y avait cette idée que quand le lieu est vide, il n'est pas vide. En fait, il résonne toujours des événements qui se sont déroulés, qui appellent à d'autres événements. Enfin, c'est l'idée de l'occupation, hein. La différence entre occuper et s'approprier, comme on a plus l'habitude, c'est qu'une occupation, elle a une sorte de manière de transformer les lieux plus profonde qui fait que ça intervient justement sur leur devenir, hein. C'est-à-dire qu'un lieu, la manière dont il est occupé, dont vous occupez cette table par exemple, donne une autre signification à cette table qui, quand elle n'est pas là, elle vibre, elle fait du son, et quand les autres viennent. Donc cette table, elle garde quelque part, elle garde un petit peu cette mémoire. On pensait que le son avait cette capacité dans une structure, dans un théâtre, plus que l'image, parce que peut-être que l'image est trop immédiate et on n'imagine rien derrière l'image, alors que le son a ce côté plus suggestif. Aussi, il y avait le thème du futur, on pensait que c'était le son du futur, on pensait qu'on imaginait des voix. On s'est dit qu'on allait chercher, on imaginait que c'était une communauté d'enfants, par exemple, qui essayait, comme avec une vieille radio, d'aller chercher un autre monde, avec la modulation de fréquence, ces petits sons comme ça, et que ça renvoyait un imaginaire d'un mieux futur qu'on allait chercher très loin, mais plutôt une autre planète, quoi, les extraterrestres, tous les films des années 80 qu'on a regardé. Et d'ailleurs, vous avez fait une commande à un artiste sonore habite de manière permanente le théâtre en dehors de ces semaines. Il y a une installation. Il y a une installation sonore. Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Il y a une installation sonore. Il y a une vraie équipe sonore qui a créé une pièce. Pour le théâtre, la particularité, c'est qu'il y a, c'est une pièce qui enregistre partiellement. Enfin, c'est un son qui évolue. C'est pas une bande sonore. C'est quelque chose qui évolue avec le temps et qui témoigne un petit peu de l'évolution de l'activité du théâtre. Donc, les voix sont pas simplement des voix qu'on est allé chercher comme ça. Il y a un petit peu nos propres voix à nous et à celles des événements, quoi. Il y a une autre raison, mais alors j'ai complètement oublié par rapport au son. Ça va revenir avec les... Mais il y avait beaucoup de raisons, je pense, par rapport à l'idée d'occupation et de résonance, c'est un peu un retrait par rapport à les expos qu'on a vues, qui sont très explicatives, qui sont très affirmatives, qui sont des discours, quelque part... Si on peut parler de la Biennale, il y a quand même un problème où l'architecture est toujours le médium d'autre chose, comme si elle n'existait pas en elle-même. Nous, on ne voulait pas faire ça. On voulait vraiment que le théâtre soit une sorte d'objet qui rayonne ou qui dise quelque chose, mais on ne voulait pas que ça soit non plus un théâtre au sens de l'illusion. C'est-à-dire qu'un théâtre, on peut le Rousseau critiquait le théâtre parce qu'il disait c'est faux. C'est toujours de vouloir dire quelque chose à quelqu'un, c'est essayer de nous convaincre. Il dit c'est pas ça, c'est plus intéressant la vraie vie. Et on se disait, il ne faut pas qu'on ait de discours là, il faut qu'il n'y ait que de la suggestion. C'est-à-dire qu'on arrive et chacun il voit ce qu'il veut, et quand un groupe arrive, il l'interprète à nouveau. Il semblait que le son avait cette capacité, parce qu'on pouvait pas, on peut l'expliquer, mais on ne peut pas le voir. On dit, tu vois ? On ne dit pas, attends, on dit, tu vois ? Non, je ne vois rien du tout. Alors, et donc on verra ensuite. Donc le son a ce truc d'être comme trois petits points, de ne pas s'arrêter un moment. Quoi. D'ailleurs, à un moment, pendant une de nos séances d'écoute, il y avait un petit enfant qui est rentré dedans, qui entendait, et il cherchait, et il a dit à son papa ou sa maman, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Il attendait qu'il y ait un parallèle visuel. Et on avait parlé de la sonde. Oui. Comment elle s'appelait ? La Voyager. Voyager qu'ils avaient. C'est quand même particulier qu'on envoie des sons dans l'espace. Pourquoi on n'envoie pas des objets, des images ? Pourquoi ? Parce que quelque part. Des images sonores, en fait. Mais aussi, les images, je suis d'accord, elles disparaissent. Elles sont peut-être beaucoup plus. Elles sont constamment recouvertes des nouvelles. Quand on voit notre propre usage des médias, des films, et quand on visite des installations, on a encore un nouveau film, on n'en a pas besoin. Mm-hmm. Donc, donc le son est peut-être plus fondamentalement lié à l'expérience, quoi, dans tous les cas. Hein. Absolument. Voilà. Qui veut sur peut-être ce rapport entre architecture, son et fiction compléter, Armelle. Peut-être, nous c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'à l'agence on tourne autour de cette question depuis longtemps, avec un peu cette idée de ne pas maîtriser les outils, c'est-à-dire, et donc il y a un truc de territoire assez inconnu et qui est assez excitant en fait, du coup, parce que c'est vrai que c'est pas les outils de représentation que les architectes ont l'habitude de manier, etc. Et je crois qu'il y a vraiment un territoire qu'on cherche à explorer et je pense que c'est aussi, on peut penser aussi à la question de la radio, sur aussi comment on raconte des lieux sans les voir, enfin tout ça où il y a tout tous des paradoxes comme ça que j'ai l'impression qu'en tant qu'architecte on est à la fois fasciné et un peu démuni en fait dans ce rapport là et c'est vrai qu'à l'agence, et je suis très contente d'avoir pu faire cette lecture parce que c'est un premier moment où on se lance un peu dans ce grand bain là en se disant, voilà, il y aura probablement d'autres manières que ça puisse exister et que voilà, qu'il y a probablement pas mal de choses encore à tester sur cette question de fiction, son et architecture. En tout cas, moi, ça me donne envie. Mais d'ailleurs, là, on a sur la table dans laquelle on fait le plateau radio 43 petits haut-parleurs qui contiennent en tout 150 nouvelles du monde qui nous a été envoyées. Et lorsque les différents visiteurs les manipulent, ils ne savent pas par principe ce qu'ils écoutent, sauf à après aller lire sur la grande frise le résumé du son qui est proposé. Et donc ils font, on fait tous en fait dans la vie quotidienne une micro-enquête pour se dire mais qu'est-ce que j'écoute, quels sont les indices et comment en reliant des indices entre eux, en fait j'en hypothèse une origine de son et peut-être même la suite qui est à venir dans le sonore. Et évidemment, si l'image nous est donnée de suite, peut-être le parallèle serait plus à faire avec le lumineux, en fait. C'est-à-dire retrouver cette dimension qui engage le corps et le sensible dans le temps, enfin avec cette dimension temporelle où, en fait, on, en permanence, dans nos gestes quotidiens, on enquête. Une enquête sur ce monde avec lequel, dans lequel on est et qui contient une part de fiction. C'est tout simplement la seconde, la minute, l'heure, le lendemain, d'après, en fait. Et le son, peut-être, est-il beaucoup plus évident sur ces questions-là que le visuel qui est vite un faux ami. Julien Claus. Alors quand c'est le cas, comme ici, quand la fiction s'inscrit vraiment dans l'architecture, qu'elle n'est pas narrée, mais qu'elle est contenue dedans, j'aimerais bien vous entendre sur la question de la déréalisation. Qu'est-ce que vous voyez comme articulation entre la fiction et cette chose un peu spécifique qui est la déréalisation? Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? La déréalisation. C'est-à-dire l'endroit où on s'échappe d'un certain réel et qui peut décrire justement des fictions qui seraient des fictions non narratives comme ce que tu parlais, qui vont être des fictions de ressenti, des fictions d'espace. Et voilà, je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle ou que vous manipulez. Bon. Donc pas directement, par contre, en vous écoutant depuis le début, à la fois Armel avec ce polder qui s'échappe et qui part dans l'Atlantique à la recherche d'un autre ailleurs, malgré lui quasiment, ou alors l'ailleurs à Venise qui est dessous en fait. Et ça me fait penser à un très beau texte d'il y a quelques années de Paul Virilio, à qui on posait la question sur la mer. C'est une revue qui traite un dossier sur la mer. Et il disait, alors, malheureusement, c'était avant la guerre d'Ukraine, il disait, en fait, on arrive à la fin des frontières. Il parlait de l'Europe, mais on arrive à la fin des frontières. Il disait, la dernière frontière qui nous reste, c'est le rivage. Parce que le rivage, en fait, c'est le désir d'ailleurs. C'est la possibilité qu'autre chose advienne et c'est quelque part un inconnu. Donc c'est à la fois une ligne et un inconnu. Et donc ce polder qui part, qui quitte le rivage pour partir, ou Venise, cette fois-ci, quelque part le rivage, c'est cette couche avant la forêt de pieux, mais qui est aussi un ailleurs. Tu nous avais expliqué que tous ces pieux viennent d'une région particulière dans laquelle on prend le bois, que les pierres viennent encore d'une autre région, etc. Donc moi, j'aurais tendance à dire que la déréalisation, je la verrais dans la recherche pour nous d'une forme de réel qu'on ne sait plus voir, quoi, peut-être, ou alors un autre réel que l'on recherche en tant qu'architecte. Ou il y a Zizek qui disait qu'il ne faudrait pas opposer la fiction et la réalité, parce que les fictions, on y croit énormément. Donc c'est une sorte de, peut-être, de surréalisation, je ne sais pas, en fait, pour se sortir de... L'idée de déréalisation, c'est qu'on s'extrait, c'est de s'extraire d'une réalité, en fait. Oui, ou c'est à faire apparaître d'autres réalités, mais qui pourraient, pour le coup, être, par exemple, ce seraient toutes les réalités qui sont contenues potentiellement dans la forme, dans l'objet ou dans le bâtiment. Oui, effectivement. Mm. Donc ça, il semble en tout cas que chaque fiction est une sorte de couche, non, mais, c'est ça, mais qui, oui, d'autres mais qui, réalités qui viennent par-dessus les, ou dessous les autres. Oui, ou qui sont là potentiellement, mais qui ne passent pas forcément par du récit et qui peuvent être typiquement activés par du son, par un dispositif, par une sculpture ou autre chose. Oui, moi j'ai quand même l'impression que c'est ça que la fiction elle permet, c'est-à-dire c'est aussi de... et nous, c'est la lecture de Camille de Toledo qui a été vraiment importante à l'agence, parce que c'est aussi comment... qui accède à l'énonciation, c'est-à-dire qui on fait parler, qui est-ce qu'on fait entendre, etc. Et je trouvais que là, il y avait aussi, et c'est tout à fait ce que je me disais en écoutant l'histoire de Venise, c'est aussi un moment où on peut raconter l'histoire de Venise par l'histoire de sa matière, c'est-à-dire, et qu'en fait, une fois qu'on raconte les histoires de cette manière-là, le monde, il en devient complètement différent. Et j'ai toujours cette impression que là, que quand c'est un peu notre responsabilité d'architecte, c'était une fois qu'on raconte le monde différemment, on va le transformer inévitablement aussi différemment. Et je trouve que quand on dit, bah voilà, Venise, c'est d'abord une forêt. C'est d'abord une forêt. Enfin, je pense qu'on peut plus l'habiter, la penser de la même manière. Ça me fait refaire encore penser à, tu sais, il y a eu la scène française qui était un petit peu classée, dont on fait partie, dans le nouveau réalisme. On s'est retrouvé plongé, malgré nous, on ne savait pas. On disait, mais vous êtes des nouveaux réalistes, vous êtes même hyper, vous êtes au-delà du réel, parce que vous montrez un petit peu les trucs un peu bruts, tout ce qu'on ne voit pas d'habitude. Je me disais, quelle étrange idée, pourquoi eux sont plus réels que d'autres. Mais j'ai l'impression que la différence entre les différentes couches de réalité, c'est qu'il y en a qui sont plus crédibles que d'autres. il y a une sorte de crédibilité. Tu y crois d'un coup dans l'histoire, dans le cinéma, tu y crois, et ça devient une réalité. Alors sinon, non. Enfin, il y a plein de choses qu'on traverse, d'installations qui ne nous donnent aucune sensation de réalité, qui sont tout autant. Mais il y a une sorte de machin, de moment de crédibilité. On parlait de ce film-là, de ces infrastructures qui devaient absorber le... Et le film était le plus frappant, parce que d'un coup, on y a cru. Il y a un moment, il y a quelques secondes, on y a cru, quoi. Oui, ça me renvoie aussi à une phrase de Ballard. Il me semble que tu es amateur de Ballard aussi, qui dit que dans un monde saturé de fiction, lui, ce qui l'intéresse, c'est de construire des réels. Juste, on n'a pas parlé du 1% artistique. Et il s'avère que le 1% artistique sonore est extrêmement rare. Il y en a quoi, 10, je crois, en France, je sais pas. Et alors que précisément, ça pourrait être un moment, un outil pour participer du récit. Alors on a vu que des 1% artistiques, ils ne participent pas toujours, et parfois ils s'en fichent complètement, parfois ils ne savent même pas qu'il existe, ils viennent se poser là, on ne sait pas comment, parfois oui, mais moi j'ai réalisé un 1% artistique pour Enzo Piano là, sur l'université d'Amiens, un truc une installation assez grosse, et où la question s'est posée que je comprenne le récit de l'architecte. Ce qui n'est pas facile, parce qu'il n'est pas toujours énoncé. Donc il faut savoir lire l'architecture, et l'artiste est obligé de se dire, enfin, il menace par chacun de ses pas de rompre quelque chose. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de 1% sonore, mais je trouve que c'est des questions, peut-être ça va arriver. Je sais que ça commence à arriver avec la vidéo, enfin avec les disciplines immatérielles. Je ne sais pas si pour le son ça va continuer ou pas. Je sais que Nadine Schutz a fait une chose avec Marc Mimram sur une passerelle. Il y a eu comme ça quelques exemples, mais bon. Ouais. Didier Talagrand, je suis plasticien à la base. Enfin, je suis peintre, quoi. Et oui, je reviens dans cette question de la fiction. Et moi, en tout cas, ce que je appréhende dans cette installation, c'est qu'il n'y a pas de fiction. Moi, je ne vois pas de fiction ici. Je ne vois que des objets réels, que de la réalité, que des objets qui ont de la matière, qui sont une matière, qui sont fabriqués, qui ne sont pas ergonomiques, donc, sur lesquels on ne peut pas projeter, qui viennent d'une séquence d'objets qui sont des objets low-tech et qui viennent plutôt du milieu industriel, effectivement qu'on ne voit pas, mais dont avec lequel j'ai un rapport, enfin mon corps a un rapport qui ne me pousse pas à imaginer quoi que ce soit avec ces objets-là. Donc je ne vois que ce qui pourrait être des objets sculpturaux, qui sont matériellement en fer, dont je vois qu'ils sont dans une même gamme peut-être d'objets de surveillance ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose d'objets de chantier, par le métal, leur non-ergonomie, et par une espèce de répulsion de mon corps envers ces objets-là. Mais dont je trouve quand même l'installation réussie, parce que c'est plutôt une installation sculpturale, et donc la sculpture c'est la réalité, c'est pas la fiction, quoi. Et donc ouais, je serais peut-être la seule voix qui s'est contre ces qui s'élève là, mais bon, je ne vois pas de fiction dans cette composition, et même mon esprit, et c'est pour revenir à l'image, le son qui est diffusé là peut me permettre de fictionnaliser l'espace là, mais malheureusement peut-être mon éducation me renvoie toujours à cet objet, et ces objets c'est du métal, c'est tangible, etc., etc. Ça a des formes, c'est des formes, et ces formes ne sont pas fictionnelles. Voilà, c'était juste une parenthèse, pardon. Quelle serait une forme fictionnelle? Parce que l'architecture c'est de la matière, c'est... Ben oui. Et alors quoi? Eh bien, évidemment, pour la fiction, vous racontez des... On crée des récits, mais ces récits, c'est du texte. On peut raconter des histoires en son, etc. Mais voilà, enfin, peut-être ça ouvre quelque chose qui dit... d'ailleurs, je n'ai pas vu de fiction non plus dans les autres pavillons, hein, mais celui-là, il est particulièrement fort parce que ce que vous avez présenté, c'est vraiment waouh, une installation. C'est des objets qui s'entendent entre eux. Voilà. Pardon. Peut-être en parlant de Venise, qu'on peut trouver la fiction là où il y a le sonore. Dans les paysages sonores de Venise que j'ai étudié, j'ai recherché avec des outils que j'ai appris au Cresson des limites qui se détachent complètement de celles visuelles. Et là, il y a quelque chose qui est à côté à la fiction, là où l'imaginaire di celui, delle sujet che vit la ville, immagine des espaces complètement différents de celui physique. No? Le sonore à Venise, c'est très suggestif parce qu'elle dessine sur le territoire des limites complètement différentes de celui visuel et s'appuie et si appoggia sur un imaginaire bouge un imaginaire complètement différent de l'image visuelle de Venise. On peut donner le dernier mot à Gilles Delalex, peut-être. Moi, j'entends ça. En fait, le son, peut-être qu'il est, il a cette capacité fictionnelle d'être, ce qu'on disait, une couche de réalité supplémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire quelque chose et le son arrive et des fois, on ne l'entend pas, on l'oublie. Moi, j'ai une question de son particulière dans mon cerveau. J'en entends des sons que tout le monde n'entend pas. Oui. Et c'est souvent des sons qu'on masque, mais qui existe et qui teinte en fait la réalité et donc qui donne une couleur à la réalité et peut-être une couleur fictionnelle. Donc ça veut dire, ce qu'on disait, c'est que ce dont on parlait à l'instant avec Nicolas, c'est-à-dire que la fiction, peut-être vous avez dit imaginaire, peut-être c'est un mot aussi assez joli, peut-être plus beau même. Moi j'aime beaucoup ce mot aussi, mais en tout cas comme on parlait de fiction, la fiction c'est pas tant une chose autonome comme un... Voilà, cette gourde ou comme un objet, c'est ce qu'on y est capable d'y projeter et l'objet ne fait que refléter. Donc en gros, dire cet objet n'est pas fictionnel, ça veut dire que son propre esprit n'est pas fictionnel. Je veux dire, la fiction naît de notre propre esprit et pas des choses devant nous qui ne sont que des supports à notre propre capacité d'inventer. Donc je voulais dire, non, c'est ça, voilà. Non, je me disais, c'est l'éternel débat de... On parlait de l'art minimal. On faisait des propositions qui étaient tautologiques. L'objet devait représenter ce qui était par lui-même, mais beaucoup de critiques ont dit, mais c'est impossible. C'est un projet impossible, parce que dès qu'on est face à un volume, notre cerveau, automatiquement, a cette capacité ou cet instinct naturel de l'associer à quelque chose, à une mémoire, un souvenir, une connaissance, un cadre culturel aussi. Et peut-être tout est... Si on prend deux personnes, imaginez deux personnes qui visitent la même installation, il n'y en a pas un qui en a le même souvenir. C'est d'interprétation pure. On n'est pas dans le registre du symbole. Il y a un moment où on bascule... Mais je pense qu'on va rester en suspens sur cette question. Et d'ailleurs dire que pendant que nous écoutions là sur cette immense table ronde, quelques personnes nous entendent aussi sur Internet, mais d'autres, grâce à des petits postes radio avec une diffusion hertzienne, sont présents dans les autres pièces du pavillon, dehors sur les bancs. Et voilà, c'est une façon aussi d'ouvrir les espaces par le son. Merci à vous tous, merci Gilles, merci Armel, merci Mathéo, merci à tous ceux qui ont pris la parole, et merci à Carlotta d'avoir préparé ce plateau radio. On lance le jingle. Un jingle. On veut le jingle, Jules.